Le 18 juillet, le ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a organisé la conférence sur la situation pour les représentants diplomatiques des pays asiatiques en Corée à propos de l'adoption de la déclaration de la présidence du sommet Asie-Europe qui a dénaturé sérieusement la nature du problème de la péninsule coréenne. Y ont pris part les ambassadeurs vietnamiens, laotiens, cambodgiens et malaisiens et les chargés d'affaires par intérim mongols, indonésiens, iraniens, indiens et pakistanais. Choi Hee-chul, directeur du département Asie-Océanie du ministère coréen des Affaires étrangères, a déclaré notre position de principe concernant la déclaration de la présidence du sommet Asie-Europe. Il a dit notamment: la déclaration en question a dénaturé sérieusement la réalité dans la péninsule coréenne et en Asie Nord-Est qui s'oriente vers la guerre à cause de la décision de disposition du SAD en Corée du Sud et l'introduction sans cesse des biens stratégiques américains comme le sous-marin nucléaire américain Ohio. Voilà une mesure téméraire prenant le parti de la politique d'hostilité extrême américaine contre la Corée socialiste. Quelques pays de la région ont toujours une vue erronée sur le renforcement de notre dissuasion nucléaire autodéfensive, comme s'il est la clé de l'aggravation de la tension dans la péninsule coréenne, et que le problème peut être réglé par la maîtrise en soi de notre pays. Quant à notre pays qui concentre toute la force au développement économique pour l'édification d'un État socialiste puissant et prospère, l'assurance de la paix dans la péninsule coréenne est un problème urgent et vital. Mais la politique d'hostilité atroce des Américains contre nous, qui calomnie scélératement même notre dignité suprême, pousse notre République au renforcement par étapes et de façon continue de la dissuasion nucléaire. À l'avenir aussi, la Corée prendra en permanence les mesures physiques pour la sauvegarde de sa souveraineté et de son droit d'existence. Les pays asiatiques doivent comprendre correctement la situation actuelle et s'efforcer lors de la conférence ministérielle de la tribune régionale de l'ASEAN prévue au Laos pour favoriser la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne sans se conformer à l'avis d'autrui. Les représentants diplomatiques des pays asiatiques en Corée ont exprimé une grande inquiétude à la situation coréenne qui connaît un état incontrôlable à cause de l'accroissement en Corée du Sud des armements nucléaires des États-Unis et de leur politique scélérate hostile à l'encontre de la Corée. Pour terminer, ils ont témoigné de la sympathie que la seule solution pour le règlement du problème de la péninsule coréenne est de garder la position équitable.